Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui, dans Portrait d'assaut, découverte de l'association Langues et Signes en compagnie de Odile Fuchs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Fadjet. Langues et Signes, une association qui a été créée en 2022. C'est ça, oui. Votre rôle au sein de cette association? Alors moi, je l'ai fondée et je suis coordinatrice. Et j'interviens aussi pour donner des cours de langue des signes et pour animer des ateliers. Cette association fait le lien donc entre les sourds et les entendants, c'est ça? On fait le pont, effectivement. Vous faites le pont. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association? Alors déjà, moi, je suis sourde moi-même. Je suis sourde depuis l'enfance. On ne sait pas très bien pourquoi je suis sourde, mais j'y suis. Et donc, la surdité s'est aggravée chemin faisant. J'ai fini par m'appareiller. J'ai appris la langue des signes et en rencontrant la communauté des sourds, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande incompréhension entre les sourds et les entendants. J'ai aussi tout à fait fortuitement commencé à donner des cours dans une MJC à Paris, des cours de langue des signes. Ouais. Il fallait donc une entité, parce que je voulais plutôt faire passer la langue avant moi. Donc j'ai créé Langues et Signes pour ça. Voilà. Pourtant, c'est un langage qui existe depuis bien longtemps, mais qui reste encore pas assez appris. Alors, je vous remercie d'avoir fait l'erreur. Vous avez dit langage, et c'est en vrai. Fait, c'est une langue, ce n'est pas un langage. D'accord. Le bébé signe est un langage, parce oui. qu'il n'est pas structuré. C'est un signe, un plus un autre, etc. Ou un autre, mais la langue des signes a sa syntaxe. Donc, c'est bien une langue reconnue comme telle depuis 2005. Pour des raisons historiques, elle n'a pu être enseignée en France pendant un siècle, jusqu'en 1981. C'est donc pour ça qu'elle est méconnue aussi. Le rôle d'association telle que la vôtre, c'est de faire connaître. C'est de faire le pont entre les deux communautés par tous les moyens, j'allais dire connexes et annexes, liés à la langue des signes. Donc, ça peut être des cours de langue des signes comme on en donnerait dans une MJC, parce qu'il n'y a pas de raison que la langue des signes ne soit pas accessible, au même titre que la salsa, que l'anglais, que les percussions, etc. Et puis, on a créé récemment les ateliers silencieux. Pourquoi? Pas parce qu'on ne dit rien. Hein. On parle avec les mains. Mais c'est une façon ludique d'apprendre la langue des signes, en fait, sur des activités, alors je ne sais pas, de randonnée, de création, etc. On va utiliser la langue des signes soit comme support si on a affaire à des enfants qui entendent, soit complètement si on a affaire à des enfants sourds. Au départ, c'était pour des enfants sourds, parce que je me suis rendu compte que les enfants sourds, ils ne pouvaient souvent pas faire partie d'activités extrascolaires en raison de la surdité, parce que les gens ne savent pas comment faire avec la surdité, hein, comment on appelle la personne. Voilà, c'est vraiment un problème de communication. Donc j'ai créé ces ateliers-là d'abord pour les enfants sourds, et puis je n'avais pas non plus envie d'être discriminante de ce côté-là. Donc j'ai décidé d'en faire aussi pour des enfants entendants. Donc il y a certains créneaux réservés aux sourds, parce que quand même on peut leur réserver quelque chose, et des autres ouverts à tous. C'est une langue qui est difficile. J'allais vous dire qu'il faut avoir une bonne mémoire visuelle. Elle est difficile parce que c'est pas du tout les mêmes repères. On vit dans un monde audio-centré, parce que c'est normal, la majorité des gens entend. Et donc on n'a pas du tout les mêmes repères quand on apprend la langue des signes. Donc les sourds sont beaucoup plus observateurs, c'est une langue visuelle et on utilise son corps. Et nous, entendant, on n'a pas l'habitude d'utiliser notre corps. Des associations telles que la vôtre sont essentielles pour cet apprentissage? Elles sont essentielles en tout cas pour une première approche et puis pour rencontrer de la communauté sourde. Comme dans toute langue, il faut rencontrer des sourds pour pouvoir pratiquer. Et puis pour avoir une autre vision du monde aussi. C'est important, c'est un autre point de vue. Est-ce que vous apprenez cette langue depuis quand? J'ai commencé à l'apprendre en 2016. Donc là, j'ai un niveau qui me permet de suivre une conversation courante. Et puis on s'améliore tout le temps. La langue des signes est vraiment une langue vivante. On ne traduit pas un mot pour un mot, on traduit un concept. Par exemple, chaise et s'asseoir, ça va se dire pareil. Parce que c'est le concept, c'est la même chose en fait, sur le principe. Et j'ai vu aussi sur le site que vous aviez des noms de sourds aussi. Oui, exactement. Oui. C'est quelque chose qui surprend toujours les c'est entendants. Vrai, effectivement. Ouais. Alors vous, c'est lunettes pointues, je crois. Lunettes en pointe, oui, lunettes c'est ça. Lunettes en pointe, c'est ça. Ou lunettes pointues, oui, peu importe. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on commence à apprendre la langue des signes, en fait, on a tous un prénom civil. Donc voilà, moi c'est Odile. On pourrait utiliser l'alphabet dactylologique, l'alphabet avec les doigts. Mais si on s'appelle Odile, c'est pratique. Mais si on s'appelle Marie-Antoinette, Jean-Philippe, c'est beaucoup plus long. Et donc les sourds, ils ont trouvé la solution, puisque c'est une langue visuelle. On va être en quelque sorte baptisé d'un autre nom, mais avec un signe distinctif. Moi, c'était au moment où j'ai commencé à apprendre la langue des signes, j'avais des lunettes papillon. J'ai un collègue de l'association, Jean-Loup, lui, ça va être loup. Ça va être le signe du loup. Et puis, toutes les personnalités connues, célèbres, ont un nom en signe. Parce qu'on ne va pas tout le temps, à chaque fois, c'est trop long. Donc, les sourds trouvent les solutions. C'est un signe distinctif, souvent. Et c'est une langue internationale ou il y a des différences aussi avec d'autres pays? Alors effectivement, ce n'est pas une langue internationale. Ouais. Là, une langue des signes internationale, mais il y a une langue des signes française, québécoise. Elles peuvent être proches parce que c'est visuel, donc une table, c'est la même chose pour tout le monde. Après, c'est au niveau des cultures que ça peut être différent. Mais au bout de 2 heures, vous mettez des sourds de différentes nationalités ensemble, ils se comprennent. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même façon d'envisager les choses, la parole, la communication. Donc l'association Langue et Signes, vous êtes basée à Saulx-sur-les-Nancy, on l'avait pas dit, je crois. Oui, c'est ça. Vous avez évoqué donc les ateliers silencieux. Parmi les autres activités que vous menez au sein de l'association ? On fait de la sensibilisation à la surdité, à la langue des signes. Donc c'est une première approche. En fait, on est parti du principe que apprendre la langue des signes, c'est bien, mais connaître les codes de communication et comment vivent les sourds, c'est mieux. Pour illustrer le propos, par exemple, moi je suis donc sourde, je suis dans une famille où tout le monde entend. S'il y a un pot de fleurs au milieu de la table dans une fête de famille, pour moi ça peut être un problème. Parce que ça me bouche la visibilité, donc je peux moins lire sur les lèvres. Donc c'est bien de savoir les écueils, savoir comment bien communiquer. Et d'ailleurs, tout le monde a y gagné, les entendants aussi. D'où cette phrase affichée sur votre site, « Se mettre dans la peau d'un sourd sans se prendre pour un sourd ». Et quand je fais des sensibilisations, je veille à ça, à ce que les personnes, au moins un petit instant, se mettent dans la peau d'un sourd pour savoir ce que c'est. Un exemple de la reconnaissance du travail accompli par l'association Langue et Signes, c'est ce prix, ce trophée de l'engagement associatif organisé par la BPALC que vous avez reçu récemment. C'est ça. Alors j'allais dire, on a joué. On a été sélectionné parmi 300 associations. Et puis ensuite, il y a eu un vote des internautes et on a été plébiscité. Et c'était sur le projet spécifique des ateliers silencieux. Mmh. Donc l'argent qu'on a reçu va nous permettre de vraiment les mettre en place. De les développer. De les développer, oui, c'est important. Et même là, on voudrait mettre en place des ateliers. Alors quand on dit des ateliers silencieux, c'est vraiment divers, quoi. C'est juste ludique. On va sans doute visiter une ferme en langue des signes. Grâce à ce prix, on a rencontré une autre association qui est sur Charmes, les Petits Castors, qui ont créé une mare pédagogique. Et donc là, au mois de juin, on va aller avec eux pour faire cette visite de la mare pédagogique en langue des signes. C'est chouette. Ouais. Ouais. D'autres projets aussi pour après, peut-être ? Alors, on aimerait pouvoir donner la possibilité aux familles de personnes sourdes d'apprendre la langue des signes, mais sans que ça leur coûte trop cher, parce que c'est très cher, même aux familles d'enfants sourds. Souvent, ils n'ont pas accès à la langue des signes. Par rapport à l'association, c'est tout. Moi, j'ai une autre activité qui est liée aussi à la surdité, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je pourrais revenir. Mais effectivement, apprendre la langue des signes, ça prend beaucoup de temps et puis il faut pratiquer. Donc Ça dépend des personnes. Il faut une bonne mémoire visuelle, il faut une bonne latéralisation, il faut une bonne vision dans l'espace. Mmh. Savoir si on est droitier, gaucher, il faut être aussi un peu à l'aise avec son corps parce qu'on est mis en scène quelque part. On nous regarde et on bouge, donc il faut être aussi à l'aise. Mais moi, je vois le changement en début d'année, même avec des adultes qui sont au départ, d'ailleurs, ils s'assoient à table, alors que la langue des signes, il faut vraiment... Il faut se voir. La table, elle peut entraver le mouvement. Et je vois au début d'année, ils sont tous un petit peu timides, ils osent pas, ils ont peur de se tromper. Et à la fin d'année, il y a vraiment autre chose qui s'est mis en place. Ça crée de la convivialité, la langue des signes. Donc vous avez fondé cette association, vous êtes combien de bénévoles aujourd'hui ? On est 7-8 à peu près. Et si des personnes découvrent votre association par cette interview par exemple et voudraient avoir des informations, s'inscrire ou vous rejoindre en tant que bénévole, eh bien, comment peut-on faire aujourd'hui ? Eh bien, il suffit d'aller sur notre site, donc www.langue-et-signes-au-pluriel.fr. Ils auront toutes les informations là-dessus. Bien sûr, on remettra les liens sur le site aussi de la radio. Merci beaucoup Odile d'avoir présenté votre association. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De la réussite et des belles rencontres. Voilà, c'est le cas depuis le début. Merci beaucoup. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.